Dans les couloirs pour localiser le boucan, vous croyez que j'ai que ça fou? J'en ai marre, hey, oh! Ça va pas bientôt finir, non? Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo sur le destroy. Bonsoir et bienvenue dans Nuisance Sonore, le podcast qui refait l'actualité musicale avec une objectivité sans faille et un professionnalisme sans limite. Ce soir, je suis avec Eric. Bonsoir! Et avec Nox. Bonsoir. Et on va faire une émission exceptionnelle où on va refaire un petit bilan de 2016. Ce mois-ci, vous saurez pas ce qu'on aura écouté. Vous saurez pas ce qu'on a découvert. Parce que on va un peu remanier l'émission et puis on peut se le permettre vu qu'on a un historique assez long de une émission. Du coup, je pense qu'on peut refaire une émission spéciale et bousculer un peu nos rubriques. Ouais, notre expérience n'est plus à prouver. Voilà. Donc, on va commencer direct par le blockbuster du mois. Et le blockbuster du mois, ce mois-ci, c'était... Gros blockbuster. Un truc qui s'appelle Metallica. Ouais. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ouais, un petit groupe qui n'en veut, qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Hardwired to Self-Destruct. 139e album. Ouais, au moins. Au moins. Leur beaucoup d'albums. Le principe du blockbuster, c'est que on écoute l'album en entier. Je tiens à préciser pour Nox parce que des fois il a un petit problème avec ce concept là des fois. Voilà, on se fait un avis sur une grosse sortie assez incontournable du mois. Donc voilà, maintenant Nox, que tu connais les règles, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce Metallica? D'ailleurs oui, c'est un album très long. Il dure à peu près 80 minutes. Il est 80 minutes. Ouais, 2 fois 40. Ouais, non, ça va, c'était un bon pavé. Un bon pavé à écouter. Natacha me l'a circuité, mais plusieurs fois. Je l'ai bien écouté, j'ai bien retenu dans tous les sens. Même si parfois je commençais plus par la moitié, je l'avouais, pour repérer un peu les titres qui me plaisaient et tout. Mm-hmm. Mais dans l'ensemble, ouais, ça va, j'ai quand même bien aimé. Bon, c'est l'album de Metallica, quoi. Il y a beaucoup de choses qui rappellent les Metallica sans être ni trop... Enfin, ce que j'ai trouvé, d'être ni extravagant ni passable. Il y a quelques morceaux quand même qui sont pour moi sortis du lot. Mm-hmm. Comme lesquels, par exemple, quel morceau, toi, tu dis ça Le premier que j'ai bien aimé, c'est Atlas Rise. Mm-hmm. Ah, celui-là, il m'a fait kiffer. Bah, c'est le solo qui fait très Iron Maiden quand même, mm-hmm. avec les sonorités et mm-hmm. tout. Mais voilà, ce morceau, j'ai bien kiffé. Après, la suite est un peu moins impressionnante, je trouvais, jusqu'à Halo and Fire, qui est vraiment, pour moi, celle qui... celle-ci est vraiment cool et tout. Et qui finit le premier album. Oui, parce que toi, t'as écouté la version vinyle, c'est ça? Version Spotify, surtout. D'accord. Parce que c'est vinyle ou c'est parce qu'en CD, ouais. Il me semble qu'il est en un seul album, je sais pas du tout. Non, ils ont fait l'album, et de manière générale, fait en deux scuds. Ouais. Donc deux fois six titres et il commence un peu comme il finit, très speed, très trash, ouais. Très... voilà. Mais bon, je donne pas encore d'avis. Hein. Oui, c'est Spit Out the Bone qui est très trash. Exactement comme qui répond à l'ouverture Hardwire qui est très rentre-dedans aussi. C'est vrai. Murder One, d'ailleurs, aussi est une de mes préférées dans l'album. Hein. D'accord. Vraiment cool. Quoi. L'hommage à Lemmy, c'est ça? Oui, c'est Murder One, c'est ça. Ouais. C'est la seule chanson où ils se rendent pas hommage à eux-mêmes. C'est quand même assez cool de. Un début d'avis côté Eric. c'est comme sa vie. Non, il n'avait pas spécialement fini. Moi. Oui, en plus, t'avais pas fini. Bah si, Murder One. D'accord. Non, ok, vas-y, Eric, lance-toi parce que je sens que Nox est. Aujourd'hui, Nox est timide. Je sais pas pourquoi. Nox est la fièvre surtout. Moi, j'ai trouvé que c'était un super album de trash pop. Ça pique un peu là. Oui, vas-y, continue. Vas-y, développe là-dessus. Alors, je suis pas un grand fan de Metallica traditionnellement. J'ai adoré le regretter Saint Anger. On est deux. Ça reste pour moi le meilleur album de Metallica et je sens qu'on va au risque de me faire jeter des cailloux. Seltzinger, Over the Top. Ouais, mais complètement. Mais par contre, je crois qu'on est à peu près deux au monde. Ça tombe bien qu'on fasse une émission tous les deux. Mais c'est vrai, c'est vrai. Subjecteur de conscience. J'ai absolument pas écouté Death Magnetic, donc j'ai pas d'avis dessus, mais voilà. J'ai encore moins écouté Lulu. Mais je crois que le principe, c'était pas un album fait pour qu'on l'écoute. Ouais, c'est ce que j'ai compris. C'est un bon concept, en fait. Voilà. On en reparlera peut-être dans les sujets de culture des albums pré-posthumes. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Non. Ouais, donc du coup, Hardwired. Globalement, c'est pas un mauvais album. Enfin, c'est. C'est pas du fanservice. En fait, c'est quand je disais c'est un album hommage à eux-mêmes. En vrai, c'est quelque chose que j'ai lu quelque part, mais que je trouvais très bien, très vrai. Et il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que tu sens qu'ils ont vraiment choisi de se faire kiffer eux-mêmes, de placer les plans qu'ils avaient envie de placer, de bosser comme ils avaient envie de bosser. Il y a un truc qui est très cool dans toute la communication autour de l'album, c'est qu'ils ont clippé absolument tout. Toutes les chansons sont clippées. Mmh. Et déjà, c'est assez rare pour le faire. Et en plus, c'est des clips pas mal old school, au moins tous les clips du premier CD, la première partie, sont tous des clips plus ou moins de live, de backstage, de ou alors vraiment un clip poussiéreux à l'ancienne, sépia, machin pour Hardwired. Ouais. Bref, je trouve que ça donne un côté assez cool et assez. Alors on assume, on a 35 ans de carrière, on a envie de faire ce qui nous fait plaisir. Après, le problème, c'est aussi, il a les défauts de ses qualités, l'album, à savoir que les mecs se font pas chier, genre. Lars Ulrich, ça commence avec Cheating de Poum Chak, Poum Poum Chak. C'est vrai que c'est prise de risque zéro. Ah là là, putain. Oui, c'est prise de risque zéro et des plans qu'on a entendus, réentendus et réentendus de Metallica, c'est sûr. Si t'es fan de Metallica, tu peux pas trouver l'album mauvais, je pense. Par contre, il y a de fortes chances que tu te dises j'ai déjà entendu ce riff quelque part ou cette chanson quelque part ou complète. Ce plan, etc. Et voilà. Presque ça en devient frustrant, j'imagine, pour les gros fans, mm-hmm. de justement entendre ces plans-là et de se dire ah, putain, c'est vrai que c'était bien avant. En même temps, c'est peut-être quelque part un peu la fonction de ce truc-là. Bref. Kirk Hammett, c'est fini, il faut aussi le. Ouais. Lui, il a été zappé de l'album. Ça se sent. Parce combien de fois il est à côté dans ses solos, ça. D'ailleurs, d'habitude, je regarde pas trop ça, mais là, j'ai regardé qui avait composé l'album. Ah, voilà. L'album a été entièrement composé par le duo Hetfield Ulrich, sauf une chanson où Trujillo est crédité, ce qui m'étonne beaucoup parce qu'on l'entend pas. En fait, c'est laquelle? Mankind. Ouais, exactement. Et ça m'étonne beaucoup parce que je ne l'ai pas entendu. Moi, c'est la première réflexion que je fais en tant que grand fan de Infectious Groove et du boulot qu'il avait pu faire avec Mike Muir auparavant Suicide Idol, où la basse est omniprésente et surtout on sait qu'il a une technique qui est quasi inégalée. Le seul, il y a un vrai truc positif, c'est la voix de. Hetfield James, qui pour le coup c'est étonnant, tu vois. On a eu un peu. C'est un peu comme Renaud, mais l'histoire se finit bien, tu vois. T'as tellement galéré avec sa voix, avec tous ses problèmes extra-musicaux, etc. Que là, ça fait plutôt plaisir de l'entendre chanter comme ça, même de pousser sa voix à des. Putain, il a pas poussé comme ça depuis 15 ans, 20 ans. Mais j'ai l'impression qu'il a mis de l'ordre dans sa vie, donc. Il y a un des clips où tu le vois boire du maté. C'est vraiment avec la bombilla et tout ça, genre. Oui, non, mais après, voilà, parce que les années load, reload, c'était les années excès à mort, donc. Le reload. Oui, voilà, c'est ça, et donc. Mais c'est lui qui porte l'album, en fait. Concrètement, c'est lui là, qui est sur le devant de la scène tout le long de l'album. C'est lui qui fait tout ce qu'il faut pour que l'album soit plutôt pas mauvais. C'est ça. C'est le côté hargneux de Metallica, tu le sens bien d'un coup dans la voix. Et je pense que, malgré qu'il soit pas exceptionnel, il est quand même assez cool, parce que justement, il y a toujours cette hargne, malgré l'âge qu'ils ont. Quoi. C'est vrai que l'album, quoi. C'est vrai que, là, pour le coup, quand je l'écoute, ma première écoute a été assez grimaçante, parce que c'est tout ce que j'aimais pas de Metallica, parce que c'est du Metallica pur et dur, des morceaux très longs, des plans finalement assez classiques, zéro prise de risque. Donc du coup, au début, il m'a pas vraiment plu. Mais à la réécoute, il s'avère qu'il n'est pas, il est pas repoussant. C'est pas un album de métal. C'est pas un album de métal où je me dis oh là, c'est horrible, je me fais chier, c'est dégueulasse quoi. Il y a toujours, ce petit plan où tu dis ah c'est quand même cool. Ou même des fois, par exemple sur Atlas Rise, effectivement, le solo. M'a fait enfin en plus comme il était au début d'album me fait dire tiens c'est presque ça pourrait ça, si il continue comme ça ça peut être intéressant parce que c'est des solos qui cherchent plus le mélodique que la démo technique mais malheureusement quand tu vois sur quand tu continues le reste de l'album la plupart des solos se transforment en branlette et c'est un peu dommage. Enfin, même c'est un peu dommage. Après les groupes après voilà il reste les plans habituels du groupe. On est très quand même dans le côté années 80, trash, un peu plan-plan. Ouais, voilà. Avec. Trash et plan-plan à côté, j'aime bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais qui profite d'une grosse prod, c'est pas Rick Rubin qui a produit, là, c'est l'autre, là, celui qui a fait Death Magnetic. Oui. Aussi. Mais leur son, ils profitent beaucoup de ça aussi, d'avoir une produit bien léché, bien arrondi, qui permet de tout faire passer tranquille. Ah bah, c'est guitare-batterie, hein. Et de toute façon, c'est tout sur la guitare, tout sur la batterie, et puis le reste... Tu sais, les morceaux qui sont un peu stoner dans l'esprit, il y en a 2-3 dans l'album. Moi, je quand même, il y en a... Another One, je veux dire, c'est stoner vite fait. Oui, mais sûr, c'est pas stoner. Oui, oui, ouais, mais on sent l'influence. Après, le stoner, de toute façon, avait sa influence dans le hard rock de base, donc... Ouais, c'est ça. Et ces morceaux-là, genre, je pense à quoi? Je pense à Here Comes Revenge, je pense à Dream No More. Ces morceaux-là, je trouve qu'ils passent plutôt bien dans les ambiances et qu'ils arrivent à construire justement avec tous les moyens déployés autour d'eux, que ce soit du taf hyper réglé, etc. Mais au moins, les ambiances passent bien sur des morceaux comme ça qui font un peu leur originalité depuis tout le temps aussi. Quoi. Enfin, pouvoir se projeter dans d'autres styles comme ça et de virer du trash d'un seul coup, parce que c'est quand même pas si évident que ça pour... Ouais. Pour la plupart des groupes, quoi, tout bêtement. Donc voilà, je trouve qu'ils jonglent plutôt pas trop mal. Je pense. Ils peuvent, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est pas un mauvais album. C'est même un album correct en soi. Ouais. Et alors, je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'ils souffrent de pas avoir de morceaux assez marquants. Mmh. Ils ont pas le morceau qui tue. J'avais écouté Death Magnetic. Death Magnetic, il y a vraiment du très mauvais dessus, comme The Unforgiven 3 qui est effroyable, mais il y a du très bon, notamment le All Nightmare Long qui est une leçon, vraiment une baffe, une leçon quoi. Et là en fait, je pense qu'en termes de niveau général, il est à peu près égal à Death Magnetic à mon avis, sauf que il n'y a pas de pic ni en hauteur ni en profondeur quoi. C'est toujours le même flow quoi. Et le problème, tu vas pas dire oh ce morceau là c'est forcément un gros tube qui se détache du reste quoi. Pas tant que ça. C'est, en même temps, ils l'ont presque voulu, c'est toute la logique d'avoir tout clippé, d'avoir pas spécialement privilégié tel ou tel morceau pour leur promo, etc. C'est que quelque part ils sont assez d'accord avec ça aussi, tu vois, ils savent que c'est un album plutôt égal, ils en ont conscience et ils le vendent comme tel, tu vois. Les morceaux sont tous plus ou moins dans la même lignée. Le deuxième CD, il y a même pas d'ordre particulier, c'est même incohérent, tu vois, l'enchaînement des morceaux entre les... Je trouvais que c'était plus cohérent. Moi, je trouvais que ce deuxième CD était plus, était plus sympa dans l'ensemble que le premier, justement. Eh ben, j'ai préféré le deuxième aussi, je crois, mais pas pour justement pas pour la cohérence, parce que il était un peu disparate comme ça. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste très équilibré. Quoi. D'accord. Donc, du coup, pour conclure. Un titre à ressortir de l'album, même si on a dit que c'était un peu compliqué. Donc pour toi, t'avais dit que c'était Atlas Rise ou tu en choisis un autre? Celui-là ou Hello and Fire. Ouais, je pense à Atlas Rise quand même, parce que c'est quand même le morceau, je pense, qui est le plus marquant dans l'album. Murder One pour l'hommage à Lemmy. En plus, le clip est très bien foutu aussi, petite animation avec lui. Ouais, oui, moi j'hésitais entre Hardwired et Atlas Rise, mais Hardwired, au final, le premier titre, il est. Enfin, oui, il envoie, mais il est facile en fait. Ouais, au c'est du Metallica. Ouais, alors que pour le coup, dans Atlas Rise, tu sens que ouais, ils essayent. C'est peut-être le morceau, ils ont plus essayé de trucs. Donc, c'est vrai. Peut-être, du coup, ce sera Atlas Rise. Et oui, je veux juste dire que j'ai écouté aussi la version Collector. Ouais. avec quelques reprises dessus, donc il y a un morceau en plus qui est à mon sens anecdotique, mais surtout je trouve qu'il y a trois excellentes reprises, notamment un medley de Dio, enfin le groupe de Dio qui s'appelait Rainbow, et deux titres de Deep Purple et Iron Maiden. J'écoute. Voilà, qui sont, bah, ils sont bah, ils sont bien, mais ça traduit aussi au final un peu ce que c'est ce qu'est cet album, c'est-à-dire un album hommage, quoi, au métal des années 80. Ouais, c'est voilà, ça. C'est peut-être, et quand tu vois que c'est quasiment les, selon moi, c'est les morceaux les plus intéressants du, moi qui connaissais pas les morceaux originaux de base, c'est ceux que je trouve les plus intéressants. C'est un peu, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais ça donne bien le ton de ce qu'est cet album-là, quoi. Ah, on a juste oublié de préciser que Lars Ulrich ressemble de plus en plus à Lucchini, mais... non, mais avec l'âge, ça va devenir affreux. Hein. Ah, les deux, ça non, mais ouais, non, mais c'est surtout... Ouais, mais c'est surtout, après, voilà. Je suis pas un esthète de la technique à mort... Bon, après tout, j'aime le punk, donc du coup, je vais pas dire que Ulrich, ouais, c'est un mauvais batteur et tout, mais je vais juste dire qu'effectivement, son jeu est pas spécialement marquant. Mais surtout que c'est quand même un bon batteur. Enfin, je peux pas dire que c'est un mauvais batteur. Je vais juste dire que, effectivement, sur l'album, son jeu est pas spécialement marquant. Il y a pas de truc où tu dis, ouais, là, il y a un truc où c'est vraiment bien. Bah après, il a plus non plus l'énergie, etc. C'est compliqué. C'est normal, hein, attends, batteur, pour le coup, c'est le. Ça, enfin, dans un groupe de métal, c'est clairement le poste où tu souffres le plus de l'âge. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Clairement, donc, en plus, Metallica, ils n'ont plus beaucoup de reprises ces derniers temps, là, visiblement. Sur l'album, il n'y en a pas, donc amuse-toi à reposer tes bras. Ouais, mais bon. Parce que, enfin, bon, ça me rappelle. Enfin, il y a quelques temps, j'avais écrit sur Sentenger et lors de la sortie de Death Magnetic, et j'avais dit que, bon, Metallica, à force, ils vont se transformer en juste des putains de jukebox. En fait, à juste refaire leur tube d'avant, et puis en refaisant des titres qui le fait penser à leur tube d'avant. Et malheureusement, c'est vrai que quand tu penses à la suite, ça risque d'être un peu tout le temps ça. Hein. Mais juste pour finir sur eux, c'est vrai que quand tu penses à tous les groupes qui ont essayé à leur âge, tu vois, avec une carrière un peu, à peu près similaire derrière eux, de se relancer comme ça, c'est finalement assez rare, hein, que l'album soit plutôt réussi, écoutable, etc. Bon, ils ont raté avec Death Magnetic et machin, ils sont aussi passés par les écueils, mais c'est louable dans le... Bon, oui, en prenant en compte l'ensemble de leur carrière, quoi, donc ça. De toute façon, j'ai pas lu de, enfin pareil, en termes d'accueil, j'ai pas lu de mauvais accueil, voilà. Ouais, il y a des rageux, tu vois, c'est mort depuis Injustice for All. Oui, non, mais à part, enfin oui, enfin à part le troll habituel, enfin je veux dire à part le troll habituel, oui, c'est pas du genre, c'est pas une trahison. Enfin, entre l'accueil de Sentenger et l'accueil de cet album, enfin il y a rien à voir, hein. rien à voir quand même. Ah non, mais les notes sont globalement. Oui, voilà. Et ben on va passer au portrait chinois. Voilà. Donc, êtes-vous prêts? Donc, le principe du portrait chinois. Je pose des questions existentielles à mes deux comparses. Enfin, on tourne. D'habitude, ces derniers temps, c'était surtout Eric. Oui, vous avez pu le voir, vous avez pu l'entendre dans la première émission. Ces derniers temps, la fois où on a enregistré. Oui, voilà. Non, mais. Et pour nous, c'était vieux ce temps. En fait. Non, mais voilà. Si on oublie toutes les fois au bar où je vous fais le portrait chinois sans que vous ayez vraiment envie. Voilà, n'oubliez pas que cette émission a 20 ans d'existence. Il faut qu'on fête les 20 ans. C'est clair. Attends, fêtez la centième le mois dernier. On n'a pas renvoyé de pince. C'est quand même dommage. Et donc, mes compars vont devoir répondre, un peu comme dans un portrait chinois, de magazines d'été un peu légers. Donc, le thème... Alors, contrairement à moi, je n'interdis rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Sauf que le thème est assez restrictif, vu que c'est spécial bilan 2016. Ok. Donc, c'est que des choses qui sont... de sortie en 2016 que je veux. Donc si vous étiez, alors je vais commencer par facile puis ça va se corser un petit peu quand même. Donc si vous étiez, voilà, donc d'abord simple, si vous étiez un concert de cette année, Ah, moi je dirais, tu dirais qu'on a vu cette année et tout. Oui, oui. Ou celui qu'on a pu rater. Voilà, bah oui, ça peut être l'un ou l'autre. C'est, si t'étais à un concert, même un concert que t'as pu rater par exemple. Non, mais j'ai un assez bon souvenir du concert d'Offspring au Nuit Fourvière. Donc je vais dire celui-là, je pense. D'accord. Globalement, c'est les. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est tous les concerts de hip-hop que j'ai pu voir cette année où les mecs se pointent à. Sans être motivé pour faire le concert. C'est ça, genre. Ah, ça, voilà. Ouais. Ça, je suis cette frustration-là, tu vois. Je vois. Donc, ouais, tu veux parler d'Artefact, j'imagine. Ouais, mais, entre autres. Mais c'est vrai qu'il y a un pattern. Effectivement, il y a quelque chose. J'ai lu pas mal d'articles là-dessus, notamment. Je t'avais filé. J'avais parlé du concert de Ghostface-Killah à Lyon, qui était une catastrophe aussi. On avait parlé du concert de Gynéco aussi. Donc, effectivement. Ah, tu sais que j'ai vu la caution il y a 3 jours et que ça s'est passé pareil. Ah ouais. Sous c'est toi, en fait. Donc, pour la deuxième question, c'est encore plus simple, si vous étiez un album de 2016. Putain. Ouais, mais un seul, hein. Pas 25. Je suis pas sûr d'avoir écouté un album, quoi. Bah si, Metallica. On parle de moi. Ouais, en plus. Ça, je sais par expérience que t'as écouté Metallica, t'as écouté Beyoncé, t'as écouté La Femme. T'as écouté. Si je le faisais, on était trop. Démerde-toi. Je le sais. Non, je vais finir sur. Parce que comme on n'a pas de découverte, je vais finir sur ma découverte du moment. C'est du 2016 aussi. Ouais, c'est du 2016, tout va bien. C'est un mec qui s'appelle Sava. J'ai oublié le nom de l'album, je suis désolé. Ça va. Ouais, c'est du. Je me suis absolument pas renseigné du tout, c'est pour ça que j'ai aucune info, mais tapez ça va dans Spotify, Deezer, ça vient de sortir, enfin ça a dû sortir il y a un mois, c'est trop bien. Ok, voilà, ok. Je kiffe. Ah, je pense que je dirais July Talk, hein, parce que bon, on en a parlé le mois dernier, je l'écoute encore avec grand plaisir. D'accord. C'est quoi, toi ? Alors, moi, ce serait l'album Pup, un groupe qui s'appelle Pup, et l'album s'appelle Dream Is Over. C'est un groupe un peu dans la mouvance néo-grunge. Il y a des groupes justement un peu très ambiance années 90, ouais, qui se remettent un peu comme des héritiers de Cloud Nothing ou de Fiddler, ouais, qui se des trucs comme ça, voilà, ce genre de choses. Et ils ont, là il y en a un qui a sorti un album qui s'appelle Pup, no coup, et ça, il m'a pris par surprise, et il est vraiment excellent. D'ailleurs, j'ai oublié de répondre même pour le concert tout à l'heure, mais pour le concert non, parce que c'est l'année prochaine ils vont faire un concert en France. Donc pour cette année, ce sera le concert d'At The Drive-In au Trianon. C'était bien. Oh putain. C'était mieux que ça. Oh, mais c'était c'est le côté, le rêve de, en fait c'est vraiment le côté rêve de gosse. Donc reformation de The Drive-In, groupe de reggae bien connu. Voilà, groupe tout de rasé. Groupe de reggae bien connu. Bon, ok, donc c'est un groupe de punk, ouais, punk post-hardcore, voilà, qui s'est séparé en 2000 et qui est pourformé le groupe Mars Volta par la suite, pour prendre plus de drogue et faire des morceaux plus longs. Et l'autre groupe aussi de l'autre côté, oui, Sparta aussi, ouais, voilà. Sparta, ils s'étaient séparés en deux et du coup là ils se sont reformés pour d'abord une tournée l'année dernière et voilà, il y a un album du coup, peut-être l'année prochaine, mais c'est pas de, c'est, il y a rien de confirmé, mais voilà. Et du coup, j'ai pu les voir du coup au Trianon et c'était absolument génial. C'est toujours le côté rêve de gosse, les groupes que t'aurais voulu voir quand t'étais ado et que t'as pas pu voir. Voilà, j'ai The Offspring, hein. J'ai vu Rage, et cette fois j'ai pu voir The Dreaming. Je suis content. Voilà. On va aller sur du beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. J'ai acheté à la limite, là. Une chanteuse. Si vous étiez une chanteuse. De cette année ? Ouais, de cette année. Normalement, pour Eric, ça devrait être un peu plus simple, parce qu'il en connaît pas mal. Ouais. Et ben, tu sais quoi, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais je l'ai écouté vite fait. Solange, la petite sœur de Beyoncé. Chouette album. Et qui essaye, et qui en plus, pareil, les noms d'albums, je suis désolé, hein, c'est pas mon truc. mais qui a fait un album qui suggère complètement le fait que c'est compliqué d'exister dans l'ombre de quelqu'un de plus grand. Mm-hmm. Et pourtant, c'est un très bon album R&B, c'est peut-être même un des meilleurs de l'année. Et voilà. Non, je vais te laisser parler d'abord. Moi d'abord, chanteuse de l'année, du coup, alors. Si je trichais, je dirais Sadie Switchblade, qui est la chanteuse transgenre, enfin transsexuelle du groupe Gloss. Ouais. Mais si je dois choisir une personne qui est née fille, je dirais Janine, qui est en fait une des rares chanteuses que j'aime bien dans le reggae. Just a grow and the bliss just a show and a humble me more and more. The more that I learn, show the little that I know and it humble me more and more. The truth set me free. Bon, pas que des female singers, on va dire, que j'attends sur cette année prochaine, mais il y a la chanteuse de Savages qui est quand même vraiment vraiment cool, je trouve, dans le genre. Là, ça marque, tu vois tout de suite un son très sombre et tout, oui. Mais une façon à chanter qui est vraiment cool. Et puis bon, elle marque quand même bien les esprits, chaque fois elle est vachement pleine de charisme et tout, donc assez cool comme neuf. Ok, très bien. Okay. Alors, on finit par le plus dur. Parce que chanteuse, si vous trouvez que c'était difficile, là c'est vraiment vénère. La punchline de l'année. J'ai embrassé un flic. Ah, punchline de l'année, je l'ai. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. Et c'est vrai que c'est marquant, ça. On s'en est parmi, ouais. Ah, bitch better have my money. Ah, yes. Joli. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want it. Joli. Là, tu le sens bien pour les jeunes, tu vois. Moi, c'est qu'est-ce qu'on se fait chier avec toi, ta vie, c'est une salle d'attente pour le cimetière. Oh yes. Ooh. Voilà. C'est de qui ? Didier Super. Mais il a sorti un album cette année. Enfin, il a sorti une arnaque. Et on n'en a pas parlé. On n'a pas changé. Parfait. Parfait. Continue comme ça, c'est génial. C'est sympa d'avoir comme pote. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on écoute ? On va écouter ça, tiens. Là, Didier. Allez, Didier. Non, mais changez d'intro, putain, les mecs, quoi. Ça va jamais se vendre, qu'est-ce que vous. Moi, oh, moi, je suis pas comme vous. Moi, oh, moi, je suis quelqu'un de bien. J'ai tous mes points sur mon permis. J'embête pas mes voisins avec le bruit. Je gagne bien ma vie, je suis bien poli. Et en plus, je suis humble. Moi, oh, moi, je respecte ma femme. Je lui fais jamais l'amour, à part quand c'est prévu. Comme tout le monde, je rêve de me branler devant mes gosses. Mais ça, je le fais pas, parce que je suis équilibré. Je bois pas, je fume pas. Et en plus, je fais du sport. qu'est-ce qu'on s'emmerde avec toi? Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde avec toi? T'as dit c'est rien qu'une salle d'attente pour le cimetière. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde avec moi? Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde avec moi? Et du coup moi j'attends tout seul avec un cancer. Putain, il a pas changé, Didier, super. Ah, il est bien. Non, mais il est toujours aussi sympa. C'est bien. Ah, sacré Didier. Alors, on s'est bien amusé. Maintenant, il va falloir dresser un bilan de 2016. Calmement. Non, parce qu'au bout d'un moment, 2016 a été assez 2016, on va dire, pour pas dire des choses méchantes. Mmh. Ouais, on a été très 2016 aussi. Ouais, voilà, je trouve qu'elle a été globalement très 2016, tout ça. C'est vrai. C'est et donc, vrai. Je pense qu'il est, il est temps. Avec un petit goût de 1933, quand même. Il y a beaucoup de grosses sorties pop-rock là, en 2015. Cette année, je trouvais ça. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens. Ouais, bon, mais du coup, ça a été un peu compliqué de suivre un peu tout. C'est vrai. Donc, du coup, pour organiser un peu tout ça. On va essayer d'y aller un peu par thème, pas forcément par genre musicaux, mais un peu par sentiment. Par sentiment, voilà. pour essayer de retrouver la quintessence. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu vas donc lancer des pistes de réflexion. Exactement. Avec lesquelles que nous allons reprendre au vol. Voilà, tel un homme politique. Pour étayer tes propos. Voilà, tel un homme politique lors d'une université d'été. Voilà. Donc, commençons par les rois, les seigneurs, les vrais. Ceux qui ont fait les incontournables, ceux dont la sortie d'album ont été de véritables événements où il a été absolument impossible d'éviter. Pour le coup, ça a été dans plusieurs genres différents. Ouais. Il y a eu quand même pas mal de très grosses sorties médiatiquement, surtout que avec l'écrasement des CD et l'avènement Internet, je pense qu'il y a eu une grosse importance des campagnes marketing dans les lancements d'albums. Ouais, mais à fond, des grosses ventes liées à ça, des gros teasings, des ah gros... oui, oui, des... Donc il y a des gros stars aussi qui sortiront leur album cette année aussi. Oui, voilà, donc du coup, on va parler de ceux auxquels vous n'avez pas pu échapper. Commençons par les revenants, enfin ceux dont on attendait de leur album depuis assez longtemps, donc Radiohead. Avait plus sorti d'album depuis 2013, oh, c'est ça 2011, c'est ça 2011, ouais. 2011, hein, voilà, donc... Je suis pas sûr, hein. Voilà, ils ont sorti un album, et surtout, ils ont fait une grosse tournée, ils ont fait une grosse tournée pour étayer, et une tournée d'autant plus étonnante qu'ils ont accepté de jouer des vieux titres, chose qu'ils ne faisaient plus depuis quelques temps. On a notamment, je sais qu'on a entendu du Creep, des morceaux de Hockey Computer, des choses qui ne jouaient plus depuis très très très longtemps. Et ça a fait plutôt l'événement avec en plus comment il s'appelle le chanteur de Tom York. Tom York, beaucoup plus ouvert, merci. Ouais. Beaucoup moins dit, c'est beaucoup plus joueur avec le public qu'il n'a pu l'être ces dernières années. Les médicaments marchent. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu Radio dans l'âge, je trouvais justement que Tom York était vraiment joyeux sur scène, qu'il sautait dans tous les sens. Justement, à l'opposé de l'image qu'il avait. Oui, c'est ça. J'ai vu un petit moment, moi, par contre, Radiohead. C'était bien avant. Un moment où ils s'étaient un peu enfermés dans leur autarcie, dans leur élitisme, à vouloir faire des albums complètement écolos, complètement des concepts qui étaient trop compliqués à saisir. Et peut-être que eux s'enfermaient peut-être aussi complètement, tu vois, à vouloir rechercher la complication. Enfin, j'ai pas du tout écouté l'album, le dernier album, mais s'ils s'amusent sur scène, c'était peut-être juste pour le plaisir de revenir avec quelque chose de plus simple et juste de 5 ans de réflexion, je sais pas trop ce qui s'est passé dans leur tête en 5 ans depuis le dernier album. Ils n'ont plus rien à prouver aussi, les gonzes. Hein. Je pense qu'ils ont touché la quintessence avec Hockey Computer et The Benz, donc après tu vas beau faire ce que tu veux, c'est juste que la chute soit pas trop dure pour. Ouais, c'est clair. Enfin, je pense que c'est après Hockey Computer, Kid Amnesiac, voilà. Après ce triptyque-là, c'est vrai que de toute façon, le thème que j'avais justement proposé à la base, le côté ils sont un peu au-delà de toute critique. C'est-à-dire qu'ils ont, eu un univers musical travaillé qui est voilà, qui leur est propre. Exactement. Et c'est vrai que du coup, après les claques qu'ont été justement ces albums respectifs-là, c'est vrai que cet album apparaît comme presque anecdotique en soi. Même si, pas que je le trouve mauvais en soi, c'est même pas que je le trouve mauvais, hein, c'est que je dis oui, bah, c'est un album de Radiohead avec Tom York qui bidouille. Il est quand même super long, ouais, il est quand même super long, puis il y a pas vrai, c'est un peu comme avec Metallica, il n'y a pas vraiment de single dans cet album, quoi. Ils en ont mis certains, mais avec des clips léchés. Mais... Ouais, je pense qu'en plus, le concept de single maintenant pour Radiohead, ouais, je pense qu'ils s'en branlent complètement. Et de toute façon, ils s'en sont toujours branlés, puis ça fait 20 ans qu'ils s'en branlent du côté single. Bah, allez, depuis 2003, depuis Depuis Amnesia, je dirais. Oui. Oh ouais. Non, dans YouTube Vetif, t'es revenu à des trucs un petit peu comme ça aussi. Même pour OK Rainbow aussi, il y avait comme quelques singles. Et ouais, ça, pour le coup, c'est vrai que c'est une sortie majeure, peut-être une des plus grosses sorties de l'année. Ouais. Et ça faisait bien que c'était pas là, mais je trouve pas que ce soit vraiment comparable à des sorties comme Beyoncé, comme Coldplay, comme Rihanna, comme. Comme les superstars au sens superstar du terme, quoi, qui en impose par leur présence, souvent des artistes solo en plus, et Coldplay c'est clairement un groupe solo. tu fais bien d'en parler, parce que effectivement en grosse sortie il y a le Coldplay, voilà, on en a parlé. Donc ensuite il y a eu Beyoncé. Effectivement, l'album de Beyoncé était assez intéressant. Ouais. Parce que c'est couillu, même si c'est un peu con de dire cette expression-là, mais de faire un album concept quand on est aussi un artiste avec on va dire une machinerie aussi énorme derrière. Elle est au top, quand même. Ah, bah, non, elle est au top du top. Normalement, de toi, on attend du tube, et elle te sort un album concept avec un film et tout. C'est quand même c'est risqué, quoi. C'est osé. C'est sûr. Et c'est réussi en plus. Même si c'est pas pour moi, c'est pas l'album du siècle, mais c'est artistiquement réussi, c'est pas du scam. C'est c'est pareil, c'est très divers, c'est varié. Ouais. Très varié. Des trucs très hip-hop, limite raga, des trucs très dansants, trucs country, le côté piano-voix à l'ancienne et tout. Donc non, c'est. Et puis visuellement, voilà, elle a son univers. Donc c'est vrai que dans la bataille des superstars, effectivement, il y a eu, comme tu as pu l'évoquer aussi, Lady Gaga et Rihanna qui ont fait des albums cette année. Et côté français, ça marche pas pareil. En grosse sortie, incontournable, à mon sens, il y en a eu deux qui étaient vraiment énormissimes. Hors rap, parce que le rap français, pour le coup, effectivement, ça a été énorme cette année, mais on en parlera un peu plus tard. Ça a été du coup l'album de Renaud, le retour de Renaud, l'album, bon, on aurait pu, c'est l'album dont on aurait pu parler lors de la première, mais non, quoi, c'était pas possible parce que il est trop bancal, quoi, il est vraiment trop bancal, il dit rien d'intéressant. Renaud, les deux, non, mais les deux. Et l'artiste et les chansons. Un chanteur français dont les gens connaissent et aiment à chanter des chansons complètement. Il y a 4 ou 5 en comptant Johnny, en comptant. Voilà, Souchon. Et Souchon dans les vivants, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. T'en as 3, quoi. Ouais, c'est clair. Il n'y en a pas beaucoup. Il est incontournable, donc énorme sortie. Et la deuxième, c'est qui? Dion. Ah ouais, mais alors nous on est pas en posthume, ça, non, hein. C'est dans les albums posthumes. Oui, l'album hommage à René. C'est ça. C'est l'album hommage à René, mais oui, effectivement, bah c'est honnêtement c'est plus en termes de vente, parce que bon, en termes de vente, ça a été de loin le blockbuster de l'année en France, en tout cas. En plus, c'est un album chanté en français, ce qu'elle faisait pas plus forcément ces dernières années où elle était cantonnée à Las Vegas, donc voilà. Mais bon, c'était juste pour l'évoquer rapidement. Je voulais passer à un sujet un petit peu plus douloureux, Parce qu'il y a des gens qui sont morts cette année. Il y en a eu plein. Mais bon. Alors, si on sort de la culture, effectivement, il y en a eu des tonnes. Et celui qui m'a rendu le plus triste, personnellement, c'est Alan Rickman. Mais c'est pas grave, on parle pas de musique. On parle de musique. Ici. Pardon, excusez-moi. J'étais bien avec le concept de on parle pas de musique. On raconte des noms, on balance des chansons, mais on parle jamais de musique. Mais il y a une petite tendance justement l'album posthume ou pas loin d'être posthume. Pré-posthume, quoi, parce que que ça soit le Bowie ou le Leonard Cohen, c'était peu avant, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, pour le coup, c'était même des testaments, les deux. Ouais, c'est clair, les deux, voilà. Comme ça. C'est clair, Bowie, la façon dont il a montré avec le clip et tout. Ça... Ah ouais. Je rajoute Tribe Called Quest. Qui était moins attendu aussi. C'était moins... Ah bah déjà, le Tribe Called Quest, ils n'avaient pas fait d'album depuis une dizaine d'années. Ouais, et voilà, et puis... ça me semble plus quand même juste de commencer par Bowie parce que. Aussi, je crois que t'as zappé. Je sais pas si il a sorti cet album cette année dernière ou cette année, c'est Sharon Jones. Play with me and you play with fire. I can make you pay. I'll burn you up if it's my desire. Do you hear what I say? Oh, you don't know what I'm all about. I chew you up and then I spit you out. C'est excellent, c'est super bien, c'est une super voix de fou, elle a un feu de malade, moi j'avais vu à Londres et tout, elle bougeait comme pas possible alors qu'elle a 70 balais, un tout, 70 balais, enfin, c'est une petite vieille quand même. C'est une Brigitte Fontaine ? Non, vraiment cool, elle est vraiment cool. Le cool, Brigitte Fontaine, je te permets pas, elle est méga cool. Les sangliers sont lâchés ? Non mais elle est tarée, d'accord, mais elle est super cool. D'autant plus cool qu'elle est tarée. Ah, c'est clair. C'est pas dans le même genre, on va dire c'est pas dans le même genre du tout. Mais, à tout seigneur, tout honneur, parlons Bowie. Ouais, avec grand plaisir. Voilà. In the fear of amen. In the fear of amen. Stands a solitary candle. Voilà, donc vous deux, je sais que vous connaissez beaucoup mieux David Bowie que moi, parce que je connais pas Sharon Jones et je connais peu David Bowie. Parce que ce que je connais de David Bowie, donc c'est les tubes qui passent à la radio, mais je sais que vous en avez une connaissance un peu plus étoffée. Ouais, je pense que je connais moins bien le best-of. Ouais. mais il me semble surtout, je sais que Eric t'as écouté le dernier album. J'avais adoré le dernier album, mais parce qu'il était. Déjà, il était super étrange pour un album de Bowie, enfin, ça partait vraiment dans tous les sens. Enfin, il y a plein de critiques partout hein, sur internet, c'est facile de l'écouter. Mais c'est vrai que l'image qu'il avait choisie, enfin, en fait, à chaque fois que je pense à Bowie, je vois exactement ce que tu disais. Le premier clip qui est sorti, où tu le vois figurer derrière un espèce de costume complètement glauque, tu le vois mort, tu le sens mort, tu le respires mort, c'est terrible, et bim, le mec mort 2 semaines après. Ouais, c'est fort, parce que vraiment, c'est comme s'il avait mis en scène, mais d'une manière géniale, parce que pour le coup, c'est génial de clipper sa mort. Et c'est comme ça que je le vois. Et ben voilà, le mec a clippé sa mort, a vendu un CD sur sa mort, a tout orchestré sa mort. Et ouais, c'est tout ce qu'on pouvait souhaiter à un mec comme ça. Quoi. Et ben, il est quand même assez à part. Moi, je suis pas grand fan de tout Bowie, mais cet album, il est quand même vraiment... une claque, quoi. Je veux dire, tu reconnais quand même le niveau, quoi. Tu dis, putain, c'est un truc de fou, quoi. C'est Black Star, c'est ça le nom. Ouais, c'est ça, ouais. Et surtout, enfin, il avait toujours un temps d'avance et une bonne vision, en fait, de ce qu'étaient les courants musicaux. Parce que, pour le coup, même si je connais peu Bowie, parmi tous les artistes que j'aime bien, ils ont toujours, et qui ont plus ou moins traîné dans les 70 ou 80... Ils ont tous une anecdote avec Bowie, quoi. C'est de la folie. Le gars était, c'est un vrai amoureux de musique et d'art en général. Donc, voilà. Et du coup, oui, c'est sûr que pour moi, c'est un personnage. Même si j'ai, alors à titre personnel, si j'avais du mal avec Bowie, c'est parce que je suis peut-être quelqu'un de trop cartésien, mais j'avais du mal à suivre une ligne conductrice, en fait, Bowie, parce que justement, lui, son truc, c'était de surprendre, partir d'un côté, d'un autre, et c'est vrai que j'avais du mal à avoir une ligne conductrice. Il peut te faire d'abord un album limite de folk ultra dark, après il va te faire un album de funk, après il va te faire de l'électro pop pupute, il s'en fout, il en a rien à foutre. Et à chaque fois tu vas dire, ah ouais, mais c'est marrant parce que tous les trucs qui ont marché de ce style là, c'était après lui. Des gens comme ça, ils ont plus compris avant les autres. Des gars légendaires, quoi. Mais bon, on n'est pas forcément ici pour faire l'éloge posthume, mais bon, parce que le gars, il l'a eu. Enfin, de toute façon, il mérite, mais il a eu que des éloges, et je pense que c'était ultra mérité. Voilà. Bah, je pense que c'est un vrai exemple en tant qu'artiste et tout, de dire au niveau carrière ce qu'il a accompli et tout, et ce qu'il laissera aussi derrière, tu vois, c'est tellement énorme. Et même de commencer, t'imagines, pour quelqu'un qui va découvrir Bowie, la chronologie de fou que ça te... Tu vois, tu peux vraiment remonter le temps en commençant par presque son dernier jour et en remontant jusqu'à sa première chanson. Enfin, c'est un truc global et en tant que marque artistique, c'est dingue. Enfin, c'est absolument dingue. Il conclut parfaitement une carrière. Enfin, et c'est assez rare pour... Et ça navigue entre les époques, en plus. Ah ouais, non, mais c'est... Voilà, donc je propose qu'on renomme cette émission David Bowie. Et David Bowie légende. Et on peut peut-être aussi parler rapidement de Leonard Cohen. Si j'imagine qu'on était moins familier avec sa musique que celle de Bowie, vu que celle de Bowie nous a bercé depuis quand même très longtemps. Surtout c'est des belles chansons, c'est très sobre. Toujours des très belles chansons, mais c'est des ambiances très feutrées. Voilà. Quoi. L'album de Leonard Cohen, je l'ai écouté, même s'il m'a pas énormément plu parce que à cause du côté très funéraire du truc. Ouais, déjà de base Leonard Cohen c'est pas joyeux, mais alors là bon. Mais il m'a quand même fait penser au American Recordings de Johnny Cash. Ouais. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole. Non, le truc, voilà, moi je connais pas vraiment le Leonard Cohen, je sais juste qu'il a fait Alléluia, mais je préfère largement celle de Buckley. Mais du coup, j'ai quand même écouté. C'est bon! Voilà, Nox, il a tué le game. Il a tué le game et il a dit tout ce que je voulais dire sur Leonard Cohen. Leonard Cohen, son dernier album, voilà, j'ai quand même écouté, enfin, j'ai pas eu le temps de tout écouter, hélas, parce que j'étais quand même vraiment surpris par l'ambiance, rien qu'avec la voix qu'il pose, le gars, une voix qui est tellement particulière et j'hallucine. Et j'ai écouté 2-3 titres et tout, j'ai pas eu le temps d'écouter plus, mais j'ai vraiment envie d'écouter plus parce que il y a plus à découvrir, je pense, que juste une chanson comme ça. C'est surtout des textes, pour le coup, c'est les textes de Leonard Cohen, donc c'est presque de la mise en chanson des textes. La musique n'a pas trop d'intérêt. C'est pas loin d'être du slam, honnêtement. Complètement. D'où, avec une voix rocailleuse et tout. C'est pour ça que la version. Et moi, il me fait penser. Enfin, je le mets dans la même catégorie que les Tom Waits, et je vais être très triste le jour où Tom Waits va mourir. C'est dans la même catégorie que les Dylan, que les Patti Smith, que c'est toute cette génération-là, tu vois, cette génération d'écrivains, chanteurs qui accordaient plus d'importance à leur texte presque qu'à l'orchestration autour. Et alors, c'est pareil, son album, il est. Moi, ces albums-là, que ce soit Bowie ou Cohen, en fait, c'est des albums qui m'ont beaucoup rassuré dans le sens où tu sens que les mecs sont presque soulagés en enregistrant et c'est cathartique comme... Ils savent ce qu'ils ont à faire, ouais. Et ils le font bien, ils le font sans pression, parce qu'ils clairement ils s'en foutent de vendre pas l'album, tu vois, l'important c'est juste qu'ils soient dans la boîte et que ça passe. Et l'album de Cohen, c'est comme l'album de Bowie, je l'ai trouvé parfait par rapport à Cohen. C'est-à-dire que machin, il avait quoi, 82 ans quand il a fait son album. Je peux pas te dire, mais je pense qu'il était, ouais. Il était pas jeune, parce que je me souviens de voir des images de lui déjà dans les années 70. Il était un peu vieux déjà, donc oui. Plus de 80 balais. Et tu vois, et après, là, on va pouvoir parler aussi d'autres artistes qui sont morts cette année, et je comprends même pas pourquoi on en a pas encore parlé. Prince, quand même. Prince est mort cette année, mais on est nul. On est complètement. Il est mort cette année. Oui, oui, mais il a pas sorti d'album, j'en ai rien à branler. Ouais, ouais. On va parler un petit peu de punk, de reggae, de metal, qui sont des styles qui, vous serez d'accord avec moi, sont aussi des styles un peu d'initié. Où effectivement, il faut d'abord avoir accroché à plusieurs groupes de ce style-là avant de vraiment se mettre à en écouter. C'est pas des choses qui sont ultra immédiates. Ouais. Tant que t'as pas détesté tes parents, tu peux écouter le métal en tout cas. Ouais. Ben tiens, parlons de métal en premier. Parlons de métal en premier. On a parlé rapidement d'un petit groupe qui s'appelle Metallica tout à l'heure. Ouais. Voilà. On va pas plus en parler en disant juste que effectivement c'est la plus grosse sortie de l'année, mais c'est évident. Moi je dirais non. En métal, oui, mais c'est ça, ouais. Bien ah, sûr. Ah, sûr, en métal. Oui, oui. Mais moi, Slayer a pas sorti un truc. Mais ouais, justement, Slayer, il est pas sorti l'année dernière, le Slayer. Parlez de cette année, messieurs, au lieu de parler. Mais il me semble, mais en tout cas, cette année, ce que j'avais retenu comme groupe, comme énorme sortie, donc tu as le Meshuga qui est sorti il y a quelques mois, tu as le Gojira. Qui est sorti, qui a fait. Et d'ailleurs, on peut faire pour le coup un vrai cocorico parce qu'un groupe français est vraiment énorme sur la scène métal et on peut s'en féliciter. Ouais. On a déjà parlé le mois dernier, mais c'est pas grave, on peut en mettre une couche. On peut le faire toutes les émissions. Je suis pas un grand fan de Gojira. Quoique, vu que je vais les voir, je vais probablement les voir fin janvier, ben, peut-être que. Oui, j'aime pas Gojira, mais en première partie, il y a Nostromo. Oui, j'aime le grind. J'aime la Suisse. J'aime la Suisse, exactement. On parlera aussi rapidement du Dillinger Escape Plan et du Deftones. Ah, bon, merci. Commençons par Meshuga. Je crois que je suis le seul à avoir écouté Meshuga, j'imagine. Donc un groupe très technique, très sombre, très chaotique, très haletant. Mais voilà, qui est le côté la respiration coupée, ouais. Très plaisant. Ouais, voilà. Ouais. Et mais par contre, qui est pour le coup adoré par ses fans. Je suis pas un énorme fan de Meshuga, mais c'est vrai que je reconnais, je sais pas le côté particulier, assez unique du groupe. C'est pas forcément le groupe le plus violent de tous les temps pour le coup, mais non. C'est le groupe entre guillemets le plus chirurgical. Parce que très haché justement, très qui met justement des ambiances sombres et pourtant et qui laisse transparaître une technique absolument irréelle. Irréel. C'est maîtrisé. Ah oui, irréel et dont beaucoup de groupes sont jaloux et font bien d'être jaloux parce que c'est vraiment de la folie quoi. Ouais, parce que voilà, on parlait il n'y a pas aussi longtemps de Mastodon. Mastodon, ils aimeraient bien être aussi techniques. Hein. Franchement, c'est. Tous les groupes de metalcore aimeraient avoir. Ah oui, oui, voilà. C'est de la précision, c'est de la folie, justement. Et qui sont. Bah, alors, on va pas rentrer dans les guerres de chapelle, mais quand on parle de djent, et donc un style qui est très technique, très haché, qui demande énormément de précision et tout, bah, c'est un peu eux qui ont été précurseurs de ça, même si eux n'en font pas. Ils ont sorti donc un nouvel album. Comme je suis très professionnel, je me souviens plus du nom, mais il est très bien. Le nouvel album, on s'en fout. Oui, c'est vrai. Mais comme il est proposé tout à l'heure. C'est clair, mais en tout cas, pour le coup, c'est un bon album, et pour le coup, je sais qu'il a été bien reçu par les fans. Okay. Ce qui n'a pas forcément été le cas de l'album précédent, donc très bien. Le Gojira, qui s'appelle Magma, pour le coup, et pas Magma qui fait un album qui s'appelle Gojira, parce que ce ne serait pas le même style de musique. Gojira qui fait toujours son mur de son, J'imagine. Vous avez, pareil, vous n'avez pas écouté, non, le Gojira? J'ai pas du tout. En termes de métal, vous n'avez pas dû écouter grand-chose cette année, à part Deftones, c'est ça? Moi, j'avais écouté, c'est quand même un petit peu la dernière fois, ce qui fait avec des titres, donc oui, voilà, ouais. J'ai un petit peu écouté, mais ouais, ouais. Non, mais après, bah, c'est juste que c'est pas mon style de musique comme ça. Du moment que ça hurle, je suis un peu plus difficile, on va dire. Mm-hmm. Mais bon, ouais, après, c'est clair qu'il y a quand même des morceaux qui déboîtent la mer, quoi. Oui, oui, bah, c'est... C'est vrai que Gojira, c'est toujours le mur de son global, c'est un truc très monolithique, très pendant la gueule, quoi. Ouais, c'est clair. Puis après, voilà. Bien cru les cris en plus, donc voilà. C'est bien reconnaissable. Ouais. Mais après, voilà, pour le coup, pareil, c'est pas trop mon genre, parce que pour le coup, il y a un côté, finalement, il n'y a pas trop, pas assez de groove, en fait. Enfin, je sais pas par quel côté le prendre, parce que j'ai l'impression d'avoir une grosse muraille de son qui me prend à la gueule. Donc c'est ça s'écoute que comme ça, hein, tout ouais, ouais. C'est une espèce de, pas d'assourdissement, mais oui, c'est ça. Tu prends tes antennes, tu mets contre les oreilles, c'est clair. c'est fait pour être enivrant de cette manière-là. C'est comme ça que je le ressentais à l'époque. C'est vrai que j'ai pas non plus beaucoup écouté de métal cette année, mais c'est fait comme ça. Quoi. C'est d'autant plus marrant que, Eric, toi, je sais que t'as eu un bon passé métal et même limite encyclopédie métal. Donc c'est assez marrant. Mais ouais, non, mais. Ça s'est arrêté vers. Mais bizarrement, ça s'est arrêté aussi au moment où le métal a commencé à s'essouffler, où les groupes qui commençaient à avoir 10-15 ans de carrière commençaient à se reformer, se déformer, se recomposer, refaire des albums sans intérêt, etc. Mais je crois que t'as arrêté à la fin du néo, en fait. Globalement. C'est possible, ouais, c'est possible. Voilà, parce qu'en gros, c'est pour moi, en fait, à la fin du néo, soit t'enchaînais sur le metalcore, soit t'arrêtais, quoi. Bah après, j'ai été écouté. Non, parce que. Parce que du metalcore, justement, la Bring Me the Horizon, parce que justement, c'est ça, entre guillemets, les nouveaux. Enfin, les groupes qui pètent, etc. C'était plus de la vague emo, punk et tout. Oui, qui il y avait tout ce qui était quand même allé vers le black, le death, des choses comme ça. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. C'est vrai que pour le coup, on n'a pas. Ouais, c'est vrai, mais j'ai pas, enfin, pour le coup, comme ce sont des mouvements qui, pour le coup, en termes de public, sont encore plus confidentiels, je suis pas allé jusque là dans ma partie grosse sortie, voilà, parce que c'est sûr que voilà, il y a eu des je sais pas si Amon Amarth ça fait quelque chose ou quoi que ce soit, mais bon, comme c'est globalement pas ma cam, je suis pas allé vers là, quoi. On va parler du Deftones. Qui? Deftones. C'est ta soeur et c'est la zone de la soirée. Qui? Jaron Jones, Deftones. Je connais pas. J'aime m'entendre. Tu connais, toi? Non. Voilà. Donc on passe à autre chose. C'est des incultes. C'est qu'ils vendent d'incultes. Bon, en vrai, il vaut quoi, Gore? Franchement, il est vraiment bien. Gore, c'est. Du coup, je l'ai pas écouté. Sérieux ? Non plus. Ah, ben faut vraiment l'écouter. C'est un bon album tout court. C'est pas qu'un bon album des Deftones. Tu le mets au niveau de quel album dans la liste ? Si tu me dis White Pony, je dis que tu mens. Ouais, non, franchement, je mettrais plus au niveau du 4ème. Saturday Night Priest ? Non, non, je suis à côté. Deftones, donc. Ouais. C'est mais ça voilà, c'est le hexagramme avec... c'est ça, ouais, Mais il est différent des autres, du coup tu peux pas vraiment le comparer avec les autres. Il est plus alternatif, il est moins métal et tout. Il est vraiment... Ils ont mis des nouveaux sons, il est vraiment cool à écouter, quoi. Il est vraiment vraiment bien. Cool. Ah non, c'est clair, ouais. Non, bah, le truc c'est que Deftones, en gros, bah, après l'album Deftones, où j'avais alterné le très bon et le assez moyen, après je trouve qu'ils ont fait globalement que du moyen. Du vrai moyen, pas du ultra mauvais, vraiment du moyen. À part 2-3 titres sur Saturday Night Priest qui étaient cool, globalement. Saturday Night Priest, hein. Il a vachement bien vieilli, moi je trouve qu'il a vraiment bien vieilli. Non, mais globalement, Deftones vieillit très bien, c'est ça le truc. C'est ça la grosse force de Deftones par rapport à tous les groupes de néo-metal qui ont émergé en même temps qu'eux. Bon, de toute façon, la différence elle est claire. Hein. C'est les seuls à avoir mis de la mélodie dans leur zik. C'est pas compliqué. Pourquoi Be Quiet and Drive, ça restera une chanson qui tue? Parce qu'il y a une mélodie, une vraie. Ouais. Une vraie. Et en 96 en plus. Et voilà, ouais. Oui, oui, c'est ça, en 96 sur Adrenaline. Puis la fois mélodique hardcore, cette chanson. Voilà, c'est ça, ouais. Ça, c'est... Et parce que, oui, et puis à l'époque, alors qu'à l'époque, on était que sur du gimmick, quoi. Ouais. J'ai envie d'écouter de... Moi, toi. Bah oui, mais. J'ai écouté le nouveau ce soir, et puis. Ouais, non, mais. Non, voilà. Mais écoutez le gore, il est vraiment bien. Bah ouais, ça doit. Mais c'est vrai que, voilà, j'étais vachement déçu. C'est Diamond Eyes, c'est ça? Ah ouais, Diamond Eyes. Diamond Eyes m'a vachement déçu. Ouais. Koi no Yokan, il est pourri. Enfin, j'avais détesté. Donc, du coup, deux albums qui font des fails, pour moi, il fait allez, hop, je laisse tomber. Il y a beaucoup, pour le coup, comme vous pouvez l'entendre, on a beaucoup de choses à écouter. Non, c'est clair. Ouais. Donc, du coup, au bout d'un moment, faire des choix. Quoi. Et par contre, ouais, je vous dis tout de suite, le premier single, la chanson single, Prayer Triangles, c'est pas la meilleure d'album. D'accord. C'est bien qu'il la mette au début, du coup. Voilà, c'est une bonne idée. Et la meilleure est la dernière, en plus, d'ailleurs. Bah écoute, bah de toute façon on en refera une écoute et puis on te dira à quel point tu as tort comme d'habitude. Je sais bien. On devrait faire une rubrique comme ça d'ailleurs. Bah, on et bam on le pourrit, c'est beaucoup plus sympa. Ah bah j'écouterai pour te dire à quel point c'est pourri. Le bash. Yes. Le bashing du mois. Le punk. Non mais le punk, on va faire très vite. Pour le coup, ça a été le retour de toutes les vieilles gloires. Ils sont tous revenus en même temps. Et quand je dis. Qu'est-ce que des vieilles gloires? Bah justement, oui, il y en a. Ouais. Je vous ai fait chier avec Gloss, quelque chose de bien. Ouais. Ah, non, je suis d'accord, Gloss c'est vous avez fait chier avec quelque chose de bien avec Gloss. Les groupes, justement, je parlais de pub tout à l'heure, c'est justement un peu grunge vers le punk aussi, dans ce genre-là aussi. Il y a toute une scène qui arrive, qui pousse, mais qui se revendique pas forcément en disant nous on est des punks et tout, c'est nous on fait notre style. Voilà, Gloss pour le coup c'était des queers qui faisaient du bruit, clairement, et ça tuait, et c'était trop bien. Et Pup, eux, leur trip, voilà, c'est quelque part entre Nirvana, Weezer, Get Up Kids, ce genre de trip, quoi, voilà, c'était ouais, okay, ça leur truc, quoi. Et par contre, tous les gros des années 90 sont tous revenus en même temps, mais quelque chose de fou, c'est-à-dire que, honnêtement, si on est en 2003, et que la même année, t'as Blink, Sum 41, NoFX, Green Day, Billy Talent, j'en ai sûrement oublié, je crois qu'il y a Descendants. Yellow Card aussi, en plus. Pennywise, Rancid. Rancid, ils ont pas sorti cette année. Rancid, a priori, c'est prévu pour l'année prochaine. Et c'est un très bon album de l'année dernière. Against Me aussi, ils ont sorti un album aussi. Ah non, mais c'est de la folie. Ils ont aussi, franchement, il y a. Newfound Glory. Oh, c'est possible. Mais Newfound Glory, ça fait tellement longtemps que j'écoute plus ce truc, c'est chaud, quoi. Mais c'est possible, quoi. Mais c'est vrai que il y a tous les groupes, Tony Hawk Pro Skater qui arrivent. ils sont tous revenus. Ils font tous des albums. Alors le plus mélodrame, c'est Blink-182 vu qu'ils ont viré un des membres fondateurs. Il s'est pas rebarré. Oui, ils ont viré un des membres. C'est rebarré. Oh, peut-être, oui. Enfin, je sais pas s'ils sont virés. Ils s'étaient réconciliés, plus ou moins. Non, ils s'étaient réconciliés pour le précédent. Ouais. Et puis, ils se sont reséparés. Ouais, et puis, du coup, je sais plus lequel est parti. Je crois que c'est le chanteur. Je crois que c'est Tom DeLonge qui s'est fait virer. C'est Tom DeLonge. Oui, c'est toujours lui, de toute façon. C'est Tom DeLonge qui s'est fait virer. C'est le plus fou des deux. C'est. De quoi? C'est le plus fou des deux. Je sais plus. Non, mais le petit blond et le grand. De toute façon, ta marque. En gros, ta marque. Ta marque opus, t'as Travis Barker le brûlé. Pour moi, Blink c'est Travis et personne d'autre. Déjà, je te déteste, c'est Scott, le vrai Blink. Mais c'est autre chose, c'est pas grave. C'est une bataille que je. Scott, c'est le premier batteur. C'est le premier vrai batteur. Donc on va dire le vrai Blink, c'est Marc Opus alors. C'est Marc Opus, oui. Ouais, c'est le seul qui reste de la base. Ouais, voilà. C'est vrai. Et donc du coup, oui, ils ont pris le chanteur du Alkaline Trio, je sais non. plus. Si, Alkaline Trio, c'est ça. C'est le mec d'Alkaline Trio, non ouais, c'est ça. C'est le truc Mishka ou Misba. C'est Matt Skiba. Voilà, Matt Skiba. Matt Skiba de Alkaline Trio, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc c'est, voilà, c'est bien ça. Il me semblait bien. Il me semblait bien, ouais. Donc oui, ça a été un peu le... Mais bon, honnêtement, quand t'entends l'album, oui, bah, c'est pétard mouillé, globalement. Are you back again? We'll be right back. y a 2-3 titres qui font très bling de tu sais What's My Age Again, ouais. Tout ça, et puis le reste c'est on a 40 ans, on veut faire de la musique, on sait faire des trucs qui regergent et tout, mais non, si vous êtes bon pour faire du punk, faites ça, parce que globalement on savait pas. Eric a écouté le Sum 41. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, il est pas si mal que ça en vrai. Bah après c'est du Sum 41, hein. Et est-ce qu'ils ont essayé de se réinventer ou globalement ils font comme à l'ancienne? Du tout, mais c'est les mêmes délires, les mêmes riffs, les mêmes tout, les absolument tout pareil. Ouais. Et leur guitariste s'était barré un moment, il est revenu pour l'album. Je crois que c'était, il a dû faire un album sans. Ouais, c'est ce que j'ai vu. L'Indien, c'est ça. L'album. Ouais, et qui pour le coup est vraiment bon. J'aime l'album avec eux. Non, le guitariste. Guitariste, je sais pas, c'est Dave. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, mais il est. Mais oui, c'est un excellent guitariste. Et surtout, il a mis une touche un peu rigolote, trash, machin. Ouais. Ils sont super fans de trash. Hein. Ouais, des gros fans d'Iron Maiden, en fait, les gars. Et du coup, ils continuent là-dedans, ils le font plutôt bien, sauf le pauvre riff qui m'arrache les oreilles, mais que j'ai toujours pas retrouvé. J'ai oublié qu'il y a Jimmy Eat World qui a sorti un album. Jimmy Eat World. C'est vrai qu'il est vraiment pas terrible, j'ai pas écouté du coup. Je l'ai écouté et il est pire que pas terrible. J'ai jamais écouté une bonne chanson de Jimmy Eat World. Hein. The Middle, c'était bien. Pas forcément The Middle, mais c'est Bleed America. Oui, Bleed America, c'était pas mal. L'album Bleed America était bien. J'ai pas été assez loin dans le. Mais globalement, je sais que c'est pas ton style, donc il n'y a pas de problème. Détrompe-toi, j'ai écouté beaucoup de punk à roulette. Hein, quand même. Ah, bah. Là, c'est plutôt du punk à mèche. C'est vrai que c'est le côté emo. On commence à tirer sur le côté emo. Mais la mèche, c'est la rare, tu vois, c'est la mèche. Sur le côté emo. Mais bon, disons que voilà, c'est surtout, on voulait noter que côté punk, c'est vrai que c'était un peu le retour des anciens combattants. Savages aussi, hein. Savages? Bah, ça va être... Oui, c'est vrai que Savages, c'est un rock plutôt qui s'oriente vachement sur le côté punk, ouais, ouais, carrément. Même, hein. Plus anglais, ouais, même si c'est plus le punk anglais, du coup tu penses un peu moins, parce que t'as plus l'image du punk américain, mais ouais. On n'a pas parlé de reggae, mais bon, limite on peut s'en passer. Hein. Et bah, maintenant qu'on a parlé, un peu des styles que seuls les gens qui aiment, on va parler des groupes que seuls les membres du groupe ont parlé, dont seuls les membres du groupe ont parlé, parce que à la base c'est des gros groupes, ils ont sorti un album cette année et ben on n'a pas trop entendu parler pour le coup. ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. En premier, les plus gros des plus gros, je dirais donc Red Hot Chili Peppers, qui a sorti donc un album qui s'appelle The Getaway cette année. Et c'est même pas que les gens ont dit qu'il était mauvais, c'est que tu demandes aux gens, personne ne sait que Red Hot Chili Peppers a sorti un album cette année. Qu'on mette les choses à plat tout de suite, il est quand même mauvais. Non, je suis d'accord. Sûrement. Ouais, probablement. Pour le coup, j'ai été dans le mode, vu que si personne en parle, j'ai pas besoin de l'écouter. C'est probablement pour ça aussi que les gens n'ont pas spécialement parlé, mais en même temps, c'est vrai que c'est une sortie. Du genou, quand même. Putain, ouais. Oui, enfin, un album du mou du genou, ça a pas empêché de faire l'album, justement, l'album avec Can't Stop. Donc je sais plus. California. Non, celui d'après. By the Way. Voilà, l'album By the Way. Et il y a peut-être deux ou trois tubes dessus, mais globalement, l'album est d'une mollesse assez infinie. Ah, je trouve que c'est comme cool, toi, seul. C'est une transition. Après, voilà, après toi, t'as comme des trucs qui se passent dans les chansons. Regarde, aussi, Stadium donc. Arcanum aussi, c'est dur, quoi. Comme ça, s'il a fait un simple album d'un double, ça aurait pas été pareil, tu vois. Oh, même, ouais, non, exactement. Mais le double album, il était. C'est trop grand. Enfin, honnêtement, pour le coup, même Stadium Arcanum, le double album, je sais pas si je retiens 11 chansons. Sérieux? Sur les 12. J'en retiens pas, franchement, mais bref. You know nothing, John Snow. Non, mais tu peux en prendre 4 sur les 12 et c'est bon, ça fait quand même plutôt réussi pour les Red Hot. Voilà, oui, c'est ça. T'as pas entendu 4 bonnes chansons des Red Hot dans le écoute, la dernière bonne chanson que j'ai entendue des Red Hot, pour le coup, c'est sur Stadium Arcanum et c'est Torture Me, et qui a un titre qui déboîte, je sais même pas comment ils ont pu faire ça. Il me semble que, si je dis pas de conneries, il y a du Omar Rodriguez Lopez derrière, donc un des mecs de The Drive-In, Mars Volta. Donc du coup, ce qui, je comprends pourquoi je kiffe. Il me semble que c'est pour ça que je kiffe. Mais depuis, c'est vrai que j'ai rien entendu de correct de leur part. Donc voilà quoi. Et c'est du Marc Canum, je crois que c'est sorti il y a 6 ans déjà. Après, il y a Frusciante qui s'est rebarré et tout. Ouais. Bah, le problème, ouais, c'est ça, qu'à partir du moment où Frusciante s'est barré. Ouais. Même si là, j'ai remarqué dans le dernier album, le nouveau, il essaie de faire des sons un peu comme Frusciante justement. Et 2-3 moments, je me dis, Frusciante, c'est un truc comme ça qu'il aurait fait, tu vois. Mm-hmm. Ou le truc, il garde la note pendant je sais pas combien de temps, ouais, et tout. Et voilà, donc après, c'est clair qu'il revient un petit peu à ce qu'il faisait à la base, mais. Là c'est la mollesse de By the Way Californication Cashen sans le côté péchu qu'il y a un moment, donc vraiment tu t'y perds quoi. Ouais. Bon voilà. Bon bah voilà quoi. Mais bon, mais pour moi c'est le plus gros anonymat pour moi quand même, Red Hot Chili Peppers, parce que Red Hot Chili Peppers, voilà, demain ils disent on fait un concert au Stade de France, ils le remplissent sans trop de problème. Ouais. Quoi. Après, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication tout bêtement? Alors, c'est possible. Il y a le timing, tout bêtement, tu vois, on sorti cet été, non, tout à l'heure, septembre, c'était début septembre. Début septembre. Ouais. Comme c'est la rentrée et tout. Ouais, mais bon, après le timing, il y a un moment où merde, on sort pas l'album, il y a la chambleur. Faut bien le sortir un jour quoi. Faut pas déconner quoi. Le 30 décembre, je crois que c'est bon, c'est une bonne date. Non, mais on parlait tout à l'heure de Lady Gaga, son album sorti pendant les élections. Mmh. Bon, c'est pas de bol, et en même temps, l'autre a brassé tellement de. Mais il y a sans doute un gros défaut de communication, et le meilleur exemple, c'est un peu Metallica, parce que Metallica a sorti son album en pleine période de communication assez saturée, vu que c'était après, pas longtemps après l'élection de Donald Trump, donc aux États-Unis, c'est quelque chose de très très. Et surtout annoncé de longue date, au mi-novembre. Ils l'ont pas poussé, voilà. Au moment où ils l'ont annoncé l'album, ils s'en sont tenus à leur calendrier, ils ont fait le buzz comme il faut. Et ce qui est assez compliqué pour des gros groupes de buzzer maintenant, parce qu'en vrai, les gros groupes buzzent pas. Lady Gaga, tu le vois bien, justement, parce que maintenant, du coup, elle fait dans les défilés Chanel, elle était au Grammy, je crois, ou un truc comme ça, où elle a joué. Mais Lady Gaga, on parle de, à un moment, c'est la première artiste à avoir franchi le milliard. Non, c'est Eminem le premier artiste à avoir franchi le milliard de vues sur YouTube. Mais non, le premier, c'est attention, on parle de vrai artiste. Ah, d'accord, bon, moi je dis rien là. Non, mais moi, Youn. Ah non, mais moi, non, mais moi je pensais à le mec de Gangnam Style. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, Psy. Psy. Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais elle a un record de diffusion qui fait que normalement, même si son album il tombe le 28 octobre, et en plus Lady Gaga, tu vois, c'est une fille qui est hyper active sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on en a relativement peu parlé par rapport à l'album, par rapport aux albums de Beyoncé, de Rihanna qui sont sortis la même année. C'est vrai qu'on en a moins parlé. Il y a des chansons sur YouTube, je crois qu'ils sont à 500 000 vues. C'est pas énorme. C'est rien pour Lady Gaga. C'est que des audios, tu vois, de l'album, mais qui des trucs à que dalle, tu vois, genre insignifiant. Et c'est vrai que c'est un peu. Et son album précédent était mauvais, je crois. J'ai pas fait. Je sais pas, j'ai pas honnêtement. Je suis pas du tout Lady Gaga, mais. Ouais, elle pond, hein, elle pond. Celui-ci, il est vraiment tout au naturel, on va dire, pour le niveau voix et tout. Du coup, ça. Mais c'est très country, donc du coup. Après, peut-être que ça a marché localement aux États-Unis. Ah oui, on s'est pas du tout rendu compte. Aux États-Unis, c'est carton, ça c'est clair. Sa fanbase, c'est bon, quoi. Ouais, bah voilà, alors du coup. À l'international, ça foire. On va changer d'univers musical, mais moi ce qui m'a étonné, c'est la sortie totalement inaperçue de Justice, de l'album de Justice. Si vous vous souvenez, le précédent album de Justice, c'était limite, les gens se taillaient les veines juste pour pouvoir en écouter et puis pouvoir les voir sur scène, tellement c'était Justice, quoi. Et là, ils sortent un album, tout le monde s'en contrebranle. J'ai l'impression aussi qu'ils ont fait une campagne, de promotion de cet album qui est quasi nul. Bah, très élitiste. Moi, j'ai très élitiste, hein, celui que j'ai vu et tout, c'est très rapide, un truc à la fin de Justice, le tel date et tout qui sort. Ouais. Mais voilà, tu sais pas trop ce que t'es l'enfant. On a peu entendu parler, donc du coup, ma question c'est. Alors, le peu que j'en ai écouté, j'ai dû écouter un ou deux titres. Bon, c'était c'est rien de mauvais, y a rien de, c'est pas y a rien de honteux, c'est plutôt cool, hein. Ouais, y a rien de honteux, donc c'est bien, plutôt bien et tout. Donc du coup ma question c'est en fait qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont honte, du coup je me dis soit ils ont honte de l'album, ouais. Soit ils veulent se faire plus discret, soit finalement le groupe Justice, vu que les DJ de Justice se disent que finalement c'est plus trop ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils ont envie de faire d'autres choses et que du coup c'est une activité parallèle comme une autre, mais en tout cas c'est vrai que c'était super étonnant de voir comment les gens, comment justement c'était incontournable il y a encore 4-5 ans et que tout le monde ne parlait que d'eux et que là ils sortent un album et on... sous le radar, comme celui de M83. C'est l'opposé des Daft Punk, quoi. Daft Punk était sorti, on avait bombardé d'un coup et il est arrivé. Alors qu'il était pas terrible. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, le côté élitiste de leur promo. C'est vrai qu'il y a un côté comme ça, les mecs ils sortent de un peu nulle part après avoir laissé 5 ans de pause derrière eux. En plus, Daft Punk est censé sortir un album l'année prochaine, c'est ça? J'imagine. Bon, en tout cas, c'est le buzz. Ils feront bien quelque chose. Et là, Justice, ils arrivent comme ça en disant bah, nous on est là, ça fait 5 ans qu'on a rien foutu, mais tout le monde se souvient de nous. Alors évidemment, tout le monde se souvient. Et en gros, il y a une phrase qui m'a fait bien marrer aujourd'hui. J'ai été voir un peu ce qui se disait sur Justice sur le web. Et je suis tombé sur la review de NME. Et NME dit, il lui met une bonne note, hein, 4 sur 5, mais la phrase c'est « Justice, they sort of Daft Punk with tighter jeans ». En gros, voilà. Et je trouve que ça résume très bien, je trouve, voilà quoi, c'est il peut faire un bon album. Mais il se la pète trop, quoi. Alors, 4 sur 5, c'est un bon album, hein. L'album est bon, machin, un truc. Mais tu fais pas 5 ans comme ça. C'est une faute de communication et c'est. Le truc, c'est que peut-être que comme ils sont toujours dans l'ombre de Daft Punk depuis le début, ils se sont dit que peut-être en faisant pas une communication tout azimut, on fera autre chose. Mais bon, je trouve que le résultat est quand même mitigé parce que. Mais Daft Punk, artistiquement, l'album est pas. Et ce qu'il est, il est bon. Ouais, c'est il est ça, plutôt il est bon. Pas, enfin, pas affreux, je vais pas. Je peux pas affirmer de manière totalement péremptoire parce que j'ai entendu que deux titres, mais en tout cas, ce que j'ai entendu était pas mal. Mais par contre, ouais, en termes d'impact, c'est quasi la cata. Hein. Mais c'est ça, je pense que. Mais je me dis, c'est voulu, quoi. Tu penses que c'est voulu? C'est autant Red Hot Chili Peppers, ça se comprend parce que l'affaissement de la qualité qui se ressent sur les années, sur l'enchaînement des albums. Puis c'est un groupe qui a des années, qui a plusieurs dizaines d'années d'existence. Donc d'accord. Ils font deux albums, hein, c'est pas. Je parle de Red Hot Chili Peppers, ça se comprend. Red Hot Chili Peppers, ça se comprend parce qu'ils ont 20 ans, enfin même 30 ans. Justice et ouais, le 3, non bah là c'est leur troisième. Ah, c'est leur troisième. Là c'est leur troisième. Là c'est leur troisième. Autant là, justement, pour ce que je te disais la dernière fois, Nox, c'est que là on est passé de hystérie collective à on s'en branle. Ouais, c'est vrai. C'est... En très peu de temps et de manière assez inexplicable. Donc, bon. Bah, mais en même temps, la scène électro était quand même vachement, vachement animée ces dernières années, tu vois. Et je pense que les gonzes, bah, après, voilà, ils avaient des trucs qui leur plaisaient. Je pense à Flume, vite fait comme ça, qui apportait un nouveau truc et tout. Oui, ou Synapson, ou. Le monde avance. C'est sûr que. Voilà. Et le monde électro, ça avance vite en plus. Si tu restes dans leur gueule. Justice, ils sont encore sur la banger là, sur le troisième ou pas du tout? J'ai même pas regardé. Ah, je sais même pas. J'ai même pas regardé. Je sais même pas où ils sont. J'imagine que non, du coup. Si. Bah, peut-être pas. Ouais. Je sais qu'ils sont chez Moustache Rente pour faire leur moustache, mais pas ça. Bon, bah, du coup, alors, côté pop rock, il y a aussi d'autres albums qui sont passés inaperçus, mais de manière peut-être un peu plus logique. On peut parler rapidement du PJ Harvey, du Weezer aussi, qui est assez drôle. Le PJ Harvey, c'est quand même, il s'est classé numéro 1 album direct en Angleterre. Ah ouais? Ça, peut-être c'est peut-être aussi la fameuse histoire d'amour entre Pete Gervais et la France de manière générale, globalement en France, Pete Gervais on s'en branle. Ouais, c'est ça a toujours été ça. C'est génial cette meuf. Mais c'est marrant parce que pareil, hein, tu placez bon en Angleterre, personne n'a rien à foutre. Ouais. Alors qu'ici, c'est bon. Ils remplissent des salles de concert sans problème. C'est peut-être ça en fait. Parce que moi je l'ai appris en préparant l'émission que Pete Gervais avait sorti un album. Les fans chuchotaient quoi. Mais sinon. Bah, c'est vrai qu'elle a été assez discrète. Bah, moi, en fait, j'avais souvent dans mes playlists. Du coup, je l'ai retrouvé dans mes playlists et tout, que je mettais de côté à chaque fois. Non, c'est vrai que, c'est Pete Gervais, hein, mais quand même bien au-dessus de la plupart des chanteuses folk et tout. Et non, celle-là. Oui. Et l'album, il est bien, du coup ou... J'ai pas eu le temps de tout écouter. J'ai envie de réécouter un peu plus, me pencher dessus, justement, parce que, c'est Pete Gervais, j'ai envie que t'écoutes comme ça, t'es super content. Et après, tu vois, quoi. J'ai besoin de plus d'écoute pour. Je voudrais en placer une pour le projet d'Iggy Pop. Ah bah oui. She's purple, baby, got a dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me. A forbidden dream, a dream. Alors parce que je pouvais pas mettre dans Ceux qui est mort. Je peux pas non plus mettre en incontournable parce qu'au final le gars c'est pas une énorme machine non plus. Pour le coup c'est un peu malhonnête de le mettre dans l'indifférence parce que quand il est sorti c'était vraiment ouais il y a Iggy Pop qui sort un truc en plus avec des mecs de Queen, de Net, c'était trop bien et tout. Mais c'est vrai que c'est arrivé. Et c'est reparti pareil. C'est l'impression que ça donne, c'est en clair, tout cas. Hein. Ouais. C'est tout de la semaine. C'était vraiment ça. C'était Iggy Pop cette semaine. C'était, ouais. Oui, voilà. Ça a été genre waouh, Iggy Pop fait un truc de fou, machin. Et puis voilà. On n'a pas plus entendu parler que ça. Donc, ça a fait le gros buzz d'un coup et c'est retombé aussi vite, quoi. C'était pas mal, hein. C'était pas dégueulasse. Là, tu vois, on en parle. Je l'avais. Purement oublié quoi. Vraiment oublié. Ça, je l'ai écouté quand il était sorti et tout, parce que petits extraits qui passaient chaque semaine et tout avant qu'il dévoile l'album, donc ouais. Putain, j'étais impatient de voir la suite. Ça coûte assez nettement quoi, c'est hip hop quand même, donc t'as respect par rapport au gars quoi, je dirais. Il se respecte, c'est vrai. Surtout il chante, il fait comme son truc dans son. Il reste honnête avec lui-même, je pense, donc. C'est vrai qu'il reste cohérent, il s'est jamais trop dispersé. Messieurs, est-ce qu'il y a d'autres albums que vous pensez qui sont, alors injustement non, mais qui sont étrangement passés sous radar? Le Pixies. Ah putain, le Pixies. Mais oui, le Pixies, c'est vrai que oui, pareil. Hey man, can you give me something? Hey man, did you give me something? Hey man, nothing comes from nothing. Then came from somewhere. Je pense que le monde en a eu marre des pitreries de Frank Black au bout d'un moment, quoi. Je pense que voilà, c'est clair, tout le monde c'est. Et de lâcher sa thune aussi. C'est clair, au bout d'un moment, c'est pas arrêté. L'album d'avant, c'était tellement une grosse arnaque, son truc Candy, là, je sais plus ce que c'était, que tu dis, mais c'est bon. Ouais. On a assez parlé des. Même pas des mauvais élèves, c'est plutôt des absents. Ouais. Hein, parce que là, c'était un putain d'absence. Le choix et. Élève discret, ouais. Et vrai. Élève vraiment très, très, très discret, quoi. Au fond de la voilà. Classe. Et voilà pour parler en fait du pour je pense le phénomène qui a un peu secoué en tout cas l'industrie du disque en France, clairement. En France, oui. Je parle pour le coup uniquement de la France, après on pourra extrapoler ailleurs, mais en France le il y a une nouvelle scène rap français, ouais. Avec des artistes dont on avait personne qui n'existait pas en fait encore il y a 3 ans. par à part Nekfeu qui lui était déjà dans 1975 il y a quelques années avec le Escrew tout ça, mais voilà, des PNL, SCH, MHD, etc. Je peux rajouter Jules, hein, mais je le mets pas parce que bon. Ah, tu devrais. Mais je pourrais. En termes d'écoute. Certes, mais techniquement, si mais en termes d'écoute, je pourrais rajouter Black M aussi dedans, mais. Je les mets un petit peu à part quand même parce que Black M c'est encore quelque chose que, qui est entre guillemets appréhendable par les par Monsieur Tout le Monde. On va dire. Après, mais Black M, il a comme assez capital sympathique et comme assez énorme. Oui, c'est sûr. En tout cas, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les groupes qui ont trusté le haut des charts pendant toute l'année, ce sont des groupes de hip-hop, pour le coup, qui, à part effectivement quand on parle de Black M ou éventuellement de Nekfeu qu'on connaissait déjà de avant, étaient totalement inconnus du grand public il y a pas si longtemps et qui cartonnent complètement avec un type de hip-hop qui était peu connu en France, dire que ce soit le grime, la trappe, etc. C'était un style de zig beaucoup plus planant, beaucoup moins dansant. Le cloud rap. C'est du cloud rap, c'est ça ? C'est le truc un peu atmosphérique façon PNL. Voilà, et puis du coup, oui, je parlais plus pour le coup du trap, pour le côté les basses très lourdes et l'électro omniprésente, et puis le grime, justement, pour le phrasé limite anti-rappé, quoi. C'est des ambiances qui... Alors, ce qui est marrant, hein, c'est que pour corroborer ce que tu disais sur l'écoute, les top 10 de Deezer de cette année, ils sont dingues, genre. Top 10 titres, c'est... pas titre, titre, il y a un seul album dans le... C'est Alonso, en plus, genre. Oui. Un peu chelou. Mais sinon, top album et top artiste, il y a 6 et 7 artistes sur 10, respectivement, qui viennent du hip-hop français nouveau, enfin de la nouvelle scène hip-hop français, que ça soit Nekfeu en ce moment, il est en train de, tu vois, les top 50 virales Spotify. Vu qu'on m'a dit mort à l'autre, c'est la paix que j'ai bâti moralement, mais khlas. Moi je suis pas de la même race que Nadine Morano, et je manie mon radeau, j'ai mis toute l'arche de Noé dessus. Et quand les animaux radotent, j'attache le nord et le sud. Toute l'année parano et pas serein, surtout quand il se passe rien, les poings serrés dans les poches larges de nos vêtements sûrs. Je veux laisser ma trace, mais pas mes empreintes digitales. Je ne suis pas de ceux qui s'encrassent auprès du chétan. Quand mon produit vient, je peux cogner pour mon esprit. L'esprit noir comme mon rôle du vin ou comme mes poumons après digitan, enfant des squares. À l'occasion, quelques squales dans Paris. 45 morceaux de Nekfeu, quoi. C'est un il y a sorti un nouvel album aussi, Nekfeu, il y a quelques jours. Surprise, en plus. Ouais, surprise, c'est 450 000 vendus d'un coup. C'est un peu Beyoncé, en fait. Il manque plus que le string et ça serait Beyoncé. Allez, bah, c'est vraiment divers, parce que tous les artistes qu'on parle, il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre, quoi. Mais et c'est ça qui est très intéressant, c'est que aucun. Mais les mecs collaborent, les mecs sont parfois. Il n'y a plus que Booba et Lafouine, hein, qui se clashent. Il n'y a plus franchement. C'est vrai que pendant un temps, l'image du hip-hop c'était Booba, Lafouine, Rof. Voilà. Justement, là où c'est fort, que tous les groupes là, justement avec le grime, avec le trap, avec le cloud rap, tu regardes la rythmique n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi qui étais bercé à ce hip-hop là, quand j'entends PNL, je me dis mais c'est une sorte de slam, c'est quoi le truc? Parce que il y a pas de rythmique, enfin il y a pas le son auquel je suis habitué, il y a pas. C'est même pas le côté c'est bon, c'est pas bon, c'est que je suis paumé. C'est pas pareil. Et en fait, c'est ça, tu vois, il y a vraiment une espèce de mélange, de mix qui existe entre les prods, les esprits qui s'ouvrent de plus en plus dans le milieu. Et en France, c'est arrivé, ben voilà, ça commence à arriver. C'est un précurseur en France, parce que genre, ça a été inspiré un peu des États-Unis, mais ça n'a rien à voir avec ce que sort des États-Unis, justement. Parce que le hip-hop français reste unique et reste vraiment propre à lui-même. Oui, Par contre, il a des sources d'influence. La France reste quand même le deuxième pays producteur de hip-hop, je crois bien. Il y a moins que troisième avec la Chine. C'est possible. L'Angleterre aussi. Oui, c'est vrai, mais. Il me semble que le hip-hop pour le coup français a son identité propre. Il a une vraie identité, ouais, c'est ça. Une vraie identité propre, effectivement, tu vas entendre beaucoup de gens te dire moi j'écoute que du rap Quinry ou que du rap français, parce que les deux, effectivement, n'ont pas grand chose d'abord. Ma question, justement, sur ce phénomène-là, c'était de savoir, est-ce que c'est quelque chose d'un épiphénomène, parce que c'est l'année où ils sortent tous, ou est-ce que ça va continuer? Si je te comprends bien, pour toi, clairement, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui va continuer, et c'est un phénomène qui va continuer et qui va limite s'accentuer en termes de diversité. Tu penses pareil? Ah oui, sur le moment 4-5 ans, moi je pense que là c'est le début, là, cette année. C'était le lancement et tout d'une nouvelle ère pour le hip-hop et tout. Enfin, pour moi, je veux dire, ils apportaient tellement de nouveaux changements que d'un coup, sur le moment 4-5 ans, on va en bouffer du hip-hop avec des groupes qui vont tenter des trucs à moitié et qui vont arriver comme ça. Ça te rend moins joyeux que moi. Ouais, bah c'est clair. Bah, moi après, il y a des trucs que j'ai bien mis dans tout ça, j'essaie de tout découvrir. Hein, franchement, dans la playlist que vous m'avez fait, là, j'ai écouté. Hein. Mais bon, des trucs comme PNL et SCH... Ouais, SCH, c'est vraiment dur. PNL, il y a des choses à dire. Ça marche bien, SCH, pour ça. Mais j'ai halluciné, en fait. Ça marche bien. Hein. Tous les groupes en trois lettres, les MHD, les machins, ça marche très bien. Et pour le coup, c'est vrai que c'est... MHD n'a rien à voir quand même. Ouais, MHD, c'est vraiment son truc. MHD est vraiment dans son truc. MHD, pour le coup, voilà, le problème que j'avais avec PNL et SCH, c'était un côté non-groove. C'est-à-dire que le truc que j'aime bien dans l'hip-hop, c'est justement la rythmique et ce côté groove et quelque chose d'assez dansant. PNL et SCH, j'en ai rien à branler. Mais MHD, il y a un côté super dansant, super. Excuse-moi. Il y a un côté vraiment super dansant, super dynamique. Entre guillemets, tubesque. Tu sais, avec ce côté. Tu sais, ce qu'il y a un peu dans l'afrobeat. Ce côté très, on va prendre des trucs, des thèmes dansants et puis on va les répéter. Ouais. Voilà, à mort. Et puis on va le mixer avec des trucs super lancinants et tout. Super dansant et tout. Ouais, et ça marche bien. Enfin, je trouve que ça marche bien. Mmh. Après, je trouve que voilà, les mecs sont analphabètes, mais ça, c'est un autre problème. Mais ça fait. Ouais. Trois lettres. Ouais, non, mais écoute les paroles, c'est quand même tendu, quoi. Non, parce que pour le coup, limite. Alors, PNL, tu dis, ouais, ils sont grossiers, mais il y a deux, trois trucs que tu peux ressortir de pourquoi pas. STH, je comprends rien ce qu'ils bavent, mais ouais. c'est l'autotune à mort là. Ouais, c'est le codeur, je comprends rien ce qu'ils bavent, ouais. Donc ça c'est clair. Mais et MHD, c'est un sous-joule, hein. et on va le classer quelque part, c'est en dessous. Hein. Et MHD, ouais, le problème c'est putain, c'est les paroles, c'est gênant quand même. Putain, ouais. C'est pas fait pour écouter paroles, c'est fait pour danser et tout, pour se détendre. C'est clair, c'est ce qu'il dit quand même. Pour le... Ouais, c'est ça, bah, c'est pour cette limite, je trouve que PNL a plus une trajectoire à la Kanye West, tu vois, que les autres, tu vois. Par rapport. Non, mais sans déconner. J'ai dit oui, mais je m'y attendais pas du tout. Non, mais c'est vrai. Non, mais sans déconner, dans le sens où eux, ils peuvent apporter du sens. Leur sens à eux, hein, on est d'accord, ça peut être un truc qui nous passe complètement au-dessus. Hein. Mais je pense que, justement, avec leur côté un peu genre QLF, on est entre nous, on fait notre trip, peuvent plus aller sur un trip où ils apportent leur sens que juste un truc où nous, c'est les putes, la coke, la Aya et Pattaya. Dans la street, c'est la mort ou la pipi. Choisis ton camp, mais pelle coca ou ça tire. Joue pas le thug avec ta meuf, on sait, tu fais le titi. J'suis de l'époque, là, c'est gars, j'm'entraîne à frapper comme ça gâte. Rico, rico, j'débarque, boum, ratatata. Fais gaffe, faut hep, c'est pas patatata. J'connais le million, mais chante toujours pas, la la la la. Entre nous, programmés, ils m'aiment pas, font semblant, c'est chelou. J'suis armé, cœur de pierre, abonné, j'suis mouglé, j'suis Simba, animal, ça s'entend. M, dans leur mère, tu connais. Da, da, da, bas les couilles pour eux, j'suis N-ta. Mais c'est tout ce qu'ils connaissent, c'est que de l'autotune, hein, c'est un peu un tout en fait. Hein. C'est la façon dont ils chantent, putain, j'ai envie de dire, ils chantent. Bah oui, non, mais ils posent, même si tu veux chanter, ils posent, tu peux dire poser. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, ils posent et tout. En fait, c'est pas comme du hip-hop traditionnel où c'est des mots, en fait, c'est plutôt des longs trucs comme ça où t'as l'impression que c'est planant. En fait, pour moi, c'est du hip-hop de force D en fait. C'est carrément ça, les mecs ils ont dit, y a pas de musique de hip-hop qu'on écoute quand on fume des joints. Bah, finalement, ils font du stoner hip-hop. Oui. C'est un peu ça en fait. En fait, on est en train de donner des noms au rap comme on a donné des noms au sous-genre du. En fait, on est en train de créer des sous-genres du. Le hip-hop est en train de se créer des sous-genres. C'est pas trop tôt. Mais c'est pas trop tôt. Et en même temps, c'est pas trop tard. Ouais, mais c'est bien que ça arrive, quoi. Quand même. Effectivement, c'est pas trop tôt. Et en même temps, ça laisse plein de coups de perspective pour. Non, mais c'est bien. Faut leur dire quand même que trip-hop, c'est déjà pris. Hein. Au cas où. Non, mais en tout cas. Non, mais c'est bien. Mais le truc, c'est que. Bon. évidemment, tout ça, hein, c'est le reflet de nous, ce qu'on a pu en penser en faisant écouter. Du coup, il n'y a aucune vérité absolue. Non, mais, non surtout pas. Vraiment pas, donc il faut oublier ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, vous allez en bouffer du hip-hop ces prochaines années. Sauf si vous avez, enfin, sauf si vous voulez vous couper de ce qui se fait de nouveau. Voilà. Moi, ça peut être une option. Petite personne. Vous savez le nombre d'artistes majeurs qui ont des vieux de la vieille qui ont sorti des albums cette année en hip-hop français. Français? Français. Ah non, je vais pas regarder. Oui, ça me ferait mal. Parce que autant. Kerry James, sage poète de la rue. Mohamed Ali, c'est pas mal d'ailleurs. Ouais. Parce que moi, je sais que je suis pas un énorme fan de Kerry James, mais il a toujours, à chaque fois, dans chacun de ses albums, il a un titre coup de poing. Le titre Racaille qu'il a sorti, il est énorme. Ouais, il est objectivement énorme. Racaille, on devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. Racaille, on a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Racaille, républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Racaille, vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. Racaille, la rue le pense, je le mets en musique, et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptes. Nègre est génialissime, c'est un trio de fous. Le Mohamed Ali, c'est ça, Mohamed Ali, c'est ça. Oui, Mohamed Ali. Ouais. Fait trop bien cette morceau. Non. Le titre Mohamed Ali, c'est cool, mais c'est vrai, le morceau Racaille, mais en plus, voilà, moi je me dis, mais putain. Avec les costards et tout. Mais c'est surtout, mais écoutez ce que le monsieur dit, c'est tellement ça, quoi, c'est tellement vrai. Et en même temps. Tu peux rien retirer, quoi, c'est super bon. Il sort son album, il n'y a aucun problème dans le paysage. C'est-à-dire qu'il sort son album et toutes les nouvelles générations sont contentes que ce mec-là ait sorti son album. Il y a 2-3 filles dans l'album qui sont avec des petits jeunes de son 9-4, je sais pas quoi. Ouais. Et voilà, quoi, l'héritage, il existe vraiment. Les mecs sortent des albums de qualité, même s'ils ont 30, 15, 20, 50 carrières. Du coup, Kerry James, ça fait 25 ans qu'il est là, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, bon, ouais. Ah mais voilà. Voilà, bon ben je vais aller me coucher. Non. Voilà. Oh. On vous souhaite une bonne fin. En tout cas, vu que quand vous allez écouter ça, ben une bonne année 2017 déjà. Bonne année, meilleurs vœux. Voilà, exactement. Hein, écoutez plein de sons. De toute façon, vous en aurez jamais assez, donc écoutez plein, tout ce qui vous passe sous le nez. Kiffez la musique, de toute façon, parce que c'est ça qui nous fait pas vivre, mais qui nous fait survivre. Ouais. Voilà, et amusez-vous bien, et on vous dit à dans un mois. À la prochaine émission. Allez, ciao. Salut.